Évariste Ndikomanyanga. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Donc voici d'abord le sommaire. Certains habitants de la commune Gatara en province Kayanza trouvent que la planification familiale ne devrait pas concerner seulement les femmes, mais que les chefs de ménage devraient être aussi responsables en adhérant aux méthodes de contraception. La population de la commune Nyarusange en province Gitega, de même que leurs autorités, se disent très heureux suite aux travaux d'électrification de leur commune en cours. Vous l'entendrez. Et la chronique nutrition de ce dimanche est portée sur la banane, qui est un fruit riche en vitamine C, B6 et A, en glucides et en potassium, ce qui en fait un atout pour la santé cardiovasculaire et musculaire. Bienvenue à cette édition, la mise en œuvre est assurée par Rikouiman. La population de la commune Nyarusange en province Gitega, de même que leurs autorités, se disent très heureux suite aux travaux d'électrification de leur commune en cours. La population compte créer de nouvelles activités non encore existantes dans leur commune, tandis que l'administrateur communal Nyarusange lui voit l'augmentation des recettes communales et la réduction du coût de certains documents administratifs délivrés par la commune. Les détails avec Jelani Vikiza. L'administrateur de la commune Nyarusange, Innocent Daisenga, de même que la population de la dite commune, tous se disent très enthousiasmés par l'activité d'électrification de leur commune qui est en cours. Pour Innocent Daisenga, cette activité est à plus de 90% de réalisation et dans un ou deux mois, la première ampoule sera allumée à Nyarusange. Certains habitants de cette commune, avec qui nous sommes entretenus, dressent une longue liste de nouvelles activités de développement qu'ils comptent effectuer dès la fin de ces travaux d'électrification de leur commune. Il s'agit notamment de la soudure du secrétariat public, du salon de coiffure pour hommes et pour femmes, du cafétariat et pâtisserie, l'installation des moulins électriques, les studios d'enregistrement, les salles de cinéma, charge batterie et j'en passe. L'administrateur Innocent Daisenga trouve que la caisse communale en profitera du moment que toutes ces nouvelles activités feront entrer des taxes et impôts dans la caisse communale. À lui d'ajouter que même la population y gagnera par rapport à l'achat de certains documents administratifs délivrés par la commune. Il explique cela en disant que les machines, ordinateurs et photocopieuses, maintenant gardées en stock des services variés situés dans la commune Nyarusange, vont désormais sortir et être utilisées. Et comme il ne sera plus question de se déplacer vers le chef-lieu de la province Gitega pour impression, multiplication et photocopie de différents documents avec des dépenses qui en découlent, le coût des documents administratifs délivrés par la commune sera réduit, précise l'administrateur Innocent Daisenga. Ainsi donc, cette autorité administrative et communale et sa population ne demandent que les travaux d'électrification de leur commune se terminent le plus vite possible pour qu'ils commencent à vivre le nouveau moment tant attendu. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isangani. De Gitega, cap sur Kayanza pour parler santé. Certains des centres de santé dans le district sanitaire d'Ogahombo en province Kayanza atteignent le taux d'adhésion à la carte d'assistance médicale de plus de 100%. L'exemple est celui du centre de santé de Muhanga 2 qui est à 250% d'adhésion à la CAM. À propos de Dr Dorine Kanyangé, chef de district sanitaire Gahombo, il a dit vendredi dans un atelier d'échange et d'information des districts sanitaires sur la multiplication du risque maladie visant la couverture sanitaire universelle, une activité qui a été organisée par World GVC vu le projet. C'est Patrick qui nous en dit plus. Le district sanitaire de Gahombo est composé de 17 centres de santé se trouvant dans des communes Gahombo, Muhanga et Gatara. Cette zone couvre une population de 231 181 habitants, regroupés dans 53 805 ménages. Docteur Kanyang Dorine, chef de district Gahombo, indique que beaucoup parmi les habitants qui se confient à des structures de santé du district sanitaire qu'elle représente utilisent la carte d'assistance médicale en se faisant soigner alors qu'ils ne sont pas comptés parmi la catégorie des personnes personnes en situation de vulnérabilité. Docteur Kanyange Dorine donne l'exemple du centre de santé Muhanga 2 qui atteint le taux d'adhésion à la carte d'assistance médicale de 200%, le centre de santé Ngoro en commune Gatara, le taux de plus de 200%, et le centre de santé Donzewe en commune Gahombo, le taux d'adhésion à la CAM de plus de 120%, ainsi que le CD Sirukago en cette même commune qui atteint le taux d'adhésion à la CAM de 100%. Docteur Kanyange Dorine, chef de district Gahombo, indique que face à cette situation, beaucoup de CD se retrouvent dans une situation de rupture de stock des médicaments et consécutivement à ça déplore-t-elle. Souvent, les patients sont obligés de se rendre chercher des médicaments en dehors des formations sanitaires où ils se sont fait soigner. Selon son chef de district sanitaire de Gahombo, chaque Burundais devrait avoir une assurance santé via l'adhésion à une mutualité de santé selon sa catégorie sociale et selon ses moyens. Elle trouve que le gouvernement burundais devrait s'impliquer davantage dans la mutualisation des risques maladie visant la couverture sanitaire universelle. Même propos avec Habimana Leonidas, secrétaire exécutif et permanent de l'administrateur en commune Mwanga, qui demande qu'il y ait des lois claires et régissant l'obtention et l'utilisation de la carte d'assistance médicale comme en sigle. Signalons que le taux d'adhésion dans des mutualités de santé au Burundi est estimé à un taux qui est inférieur à 5%. Depuis Kayanza, Patrick Nsengyumva pour la radio Isanganilo. Restons dans cette province de Kayanza où certains habitants de la commune Gatara trouvent que la planification familiale ne concerne pas seulement les femmes, mais que les chefs de ménage devraient être responsables en adhérant aux méthodes de contraception. Selon eux, cela pourrait contribuer à réduire considérablement le nombre de grossesses non désirées. Le conseiller de l'administrateur en commune Gatara, en charge des questions sociales, la commune est classée comme ayant la forte densité, indique que suite aux sensibilisations, les chiffres en provenance des directions communales d'enseignement dans cette province indiquent que les grossesses non désirées ont sensiblement diminué. Le reportage est signé Ornella Mucho. Jewe huko nguma mukanja guma byara abana kandi mana nifite itongo litoyi ati reka niyugaze arashobora ko. La commune Gatara, l'une des communes qui compte la province Kayanza, enregistre une forte densité démographique comptant 91 277 habitants, aggravée par des comportements abusifs de certains chefs de famille qui pratiquent la polygamie, le concubinage, les unions libres et les grossesses non désirées en milieu scolaire, comme l'indique l'administration de cette localité. Certains hommes et femmes de la commune Gatara trouvent que les hommes devraient eux aussi être responsables de la planification familiale et changer cette mentalité, comme quoi les méthodes contraceptives ne concernent que les femmes. Ils trouvent que l'engagement des hommes pourrait contribuer à diminuer les grossesses non désirées puisqu'ils sont tenus pour responsables d'une grande partie de la santé reproductive de leurs partenaires féminines. Les hommes et les femmes sont tous concernés par la planification familiale, car à la naissance d'un enfant, un devient père, l'autre est mère. Raison pour laquelle ils doivent tous être responsables de la santé reproductive. Avoir beaucoup d'enfants sans moyens suffisants, c'est un grand problème. Et les enfants en sont les premières victimes, car ils vivent dans des conditions inappropriées. Et c'est par là qu'ils commencent à adopter de mauvais comportements, comme quitter la famille et vivre dans la rue, suite au désespoir. Il est alors important que les hommes et les femmes dialoguent sur le nombre d'enfants capables d'élever, grâce aux méthodes de planification familiale. Le conseiller de l'administrateur de la commune Gatara, en charge des questions sociales, indique que grâce aux sensibilisations à l'endroit des hommes et des femmes, les grossesses non désirées ont sensiblement diminué selon les chiffres en provenance de la direction communale de l'enseignement. Dans cette commune de Gatara, on compte 878 habitants par kilomètre carré. Vous comprenez que c'est la source majeure des conflits familiaux suite au manque d'espace cultivable. Le développement reste loin d'être réalisable dans cette situation de démographie galopante suite à ce contexte de cherté de la vie. C'est pour cela que nous organisons des sensibilisations à l'endroit de la population pour le changement de comportement afin d'adhérer aux méthodes contraceptives et avoir le nombre d'enfants selon les moyens disponibles. Ces sensibilisations sont faites dans le but d'améliorer la santé maternelle, réduire la pauvreté suite aux travaux de développement. Nourrir beaucoup d'enfants dans une famille à faible revenu est un défi majeur pour le développement durable. Au sein de l'association burundaise pour le bien-être familial, ABBF, l'on indique qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de la vasectomie, l'une des méthodes de la contraception pour les hommes. L'ABBF recommande aux hommes d'approcher des structures sanitaires pour qu'ils aient des explications éclairées. La directrice adjointe chargée des services techniques au sein du programme national de la santé et de la reproduction, Dr Clémentine Lacodé, fait savoir qu'en vue d'améliorer les résultats en matière de planification familiale, les sensibilisations sont aussi organisées à l'endroit des hommes. Il ne s'agit pas seulement des femmes que nous encourageons à adopter la planification familiale. Nous exhortons également les hommes à s'y impliquer. Nous appelons les hommes que nous considérons comme les chefs de famille à prendre soin de leur famille sans oublier la planification familiale. Si les hommes comprennent les avantages de la planification familiale, cela peut apporter de nombreux bénéfices significatifs sur le développement du pays. Les méthodes de planification familiale utilisées par les femmes ou les hommes ont un impact positif sur la famille, en particulier sur la santé des enfants et des parents. Et lorsque la famille est en bonne santé, le développement suit naturellement, car tout le monde a l'énergie d'eau pour voir aux besoins de la famille. Et le pays en bénéficie, car il a des citoyens de bonne santé, énergétiques. En 2023, plus d'1,9 million de préservatifs masculins ont été utilisés et 1,075 hommes ont adhéré à la vasectomie pour les 5 dernières années. Et par an, le nombre d'utilisations des préservatifs ou d'adhérents à la vasectomie augmente chaque année. Place à la chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La banane est un fruit riche en vitamine C, B6 et A, en glucides et en potassium, ce qui en fait un atout pour la santé cardiovasculaire et musculaire. Selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, les bananes renforcent le système immunitaire, améliorent l'absorption du fer et aident à lutter contre l'anémie tout en offrant une source d'énergie durable grâce à leurs glucides complexes. Ce chercheur explique également que l'efficacité des aliments riches en potassium tels que les bananes baisse la tension artérielle et prévient les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Chronique nutrition sur les bananes avec Jean-Marie Mayonc. Comme l'explique le chercheur nutritionniste Jean-Paul Winesa, la banane est un fruit qui se distingue par sa richesse en glucides et en potassium. Elle contient davantage de glucides, ce qui en fait une source d'énergie rapide et fiable. La banane contient une petite quantité de protéines, 1%, et très peu de graisse, moins de 0,5%. La banane contient assez de vitamines, surtout la vitamine B6 et aussi vitamine B1, B2 et vitamine E. La banane contient également de la vitamine C et aussi la vitamine B9. La banane est également assez riche en minéraux, parmi lesquels il faut citer le potassium et aussi le magnésium. Le fer aussi, ils sont très importants. Sa richesse aussi en potassium en fait l'un des fruits frais contenant le plus de potassium. Les minéraux qui se trouvent dans la banane mire sont beaucoup. La banane est meilleure pour les personnes qui ont la maladie du cœur, selon Jean-Paul Winesa. Les personnes qui prennent des médicaments pour le cœur ou les personnes hypertendues ou bien qui ont l'hypertension artérielle ont besoin d'un plus grand apport de potassium qui peut être obtenu à partir des bananes mires. Des grosses bananes de 125 grammes de poids apportent 1 gramme de potassium, c'est-à-dire 1000 mg. Une quantité quotidienne qui couvre largement les besoins en soins minéraux des personnes qui se trouvent sous traitement médicamenteux. Il signale également que les personnes qui ont le problème de goutte et du diabète peuvent manger assez de la banane. En cas de la goutte ou bien arthrite par dépôt d'acide urique et goutte, la banane provoque une alcalinisation du sang, ce qui contribue à neutraliser et à éliminer l'excès d'acide urique provoquant l'arthrite et la goutte. encore si des diabètes. La banane n'est pas contre-indiquée, comme beaucoup de personnes le savent. Parce que la banane contient beaucoup d'éléments très importants pour même des personnes diabétiques. La banane n'est pas contre-indiquée. Pourquoi? En cas de diabète, le sucre qui se trouve dans la banane mire, en fait, s'absorbe très lentement, ne fait pas l'augmentation brusque du sucre dans le sang. La banane trouve son origine en Asie et au Burundi, ce fruit est facilement trouvable en abondance. Merci à Jean-Marie Mayonga pour cette chronique nutrition. Le secrétaire général d'ICOMESA est arrivé au Burundi ce dimanche pour participer dans les travaux du 23e sommet du ICOMESA qui se dérouleront à Bujumbura au début de cette semaine qui s'annonce. Chileche Mundo Capepue a annoncé qu'au menu des discussions figureront entre autres la présentation du rapport d'état des lieux de cette communauté pour que les chefs d'État et de gouvernement puissent savoir ou consentir les efforts pour la bonne marche de cette communauté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, je le rappelle les titres. Certains habitants de la commune Gatara en province Kayanza trouvent que la planification familiale ne devrait pas concerner seulement les femmes, mais que les chefs de ménage devraient être aussi responsables en adhérant aux méthodes de contraception. La population de la commune Nyarusange en province Gitega, de même que leurs autorités, se disent très heureux suite aux travaux d'électrification de leur commune en cours. Et la chronique nutrition de ce dimanche a porté sur la banane qui est un fruit riche en vitamine C, B6 et A, en glucides et en potassium et qui en fait un atout pour la santé cardiovasculaire et musculaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rick Wiman de l'autre côté de la vitrine. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndzikubanyana. Bonne suite de programme sur Sanganitro.